media. Tell my fools, I'm bitch, you got me. Carla, is that you? J'avais rien dans les poches de mon survêt. On était, je sais même plus combien sur le bête. C'était l'époque des violences urbaines. Comme il faut que personne ne surprenne. À la fenêtre, les darons qui nous surveillent. Ils parlent de la rue, mais c'est surfait. Tous les jours actifs, jamais surveille. À l'époque où y'avait pas de méchés kills. Au city, on faisait cache des équipes. C'était les débuts du H et des clips. Donc à vendre et à cacher des kills. Les contrôles, les commissions. Des amis au profil sombre. Se remémorer nos missions. Se marrer pendant l'audition. Dans des histoires, des propositions que tu peux pas décliner. Le monde fonctionne ainsi, un homme qui meurt, un autre qui naît. Des gens qui fument juste pour être sûr que la réputation est clinée. Et ceux qui sont chanceux finissent en rééducation chez le kiné. J'pense à certains, j'ai envie de chialer. Quand il fallait y aller, j'y allais. J'pense à certains, j'ai envie de chialer. Enfoiré. Les poches vides, frérot, c'était la merde. C'est de la faute à personne, c'est la mienne. Toute une jeunesse à faire des lamelles. Si c'était à refaire, je ferais la même. Des poches vides, frérot, c'était la merde. C'est de la faute à personne, c'est la mienne. Toute une jeunesse à faire des lamelles. Si c'était à refaire, je ferais la même. Y'avait rien dans les poches de mon blue jean. On était ni à mais du Fujis. Maillot DZ, pas de Gucci. J'ai fumé la ville à un Gucci. Flashé, j'arrive sur fil de gauche. Mêlez-moi à la file comme fil de gauche. Y'a tout le monde, il me reste un stick de touch. Elle est loin à l'époque du cartable. Gros joint, je ressors de Gardave. Un grec assis, on partage. Pas de faf, on sourit, c'est pas grave. Y'avait pas de vis, pas de masque sur le visage. Sur un Buick sans casque et sans lissage. Et les ladies chantage comme héritage. Et les bitches dans le sas nous dévisagent. Gros joint d'herbe, j'ai les pensées lointaines. Le passé, la rue. On peut pas rester loin d'elle. Parce que sans mes potos, l'histoire sera moins belle. Gros joint d'air. Quand j'avais les poches vides, j't'enlevais les TN. Touche dite, génération la haine, mafia qu'un free. Mort avant la vingtaine, plein de cicatrices. Putain de merde.